Suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et 4 épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Génération ZAD, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'on a fêté en avril 2021 les 50 ans de la lutte du Larzac et puis parce qu'à force de faire l'inventaire des luttes zadistes en France, on a eu envie de savoir ce qu'il en était ailleurs. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, la vallée du Piémont, un train fantôme, des pizzas, la mafia, des chiens, des barbelés et une femme à la voix rauque qui, si elle se plie au contrôle d'identité, résiste depuis 30 ans et refuse l'idée d'être expulsée de sa terre. Mais pour commencer, dernier épisode, on s'inquiète partout. Moi j'ai 28 ans et je vois que le monde c'est compliqué, on voit tout ce que l'environnement va être, les problèmes environnementaux, et la pollution et tout. Et en question comme ça, ici, c'est une lutte aussi environnementale, c'est la base du futur. Et si tu veux vivre, simplement survivre à ce monde, bon, il faut faire quelque chose. Ici la lutte c'est du cœur, c'est une vraie lutte populaire. Moi je dirais que c'est un gros mélange, il y a un peu de tout dedans. Il y a des gens qui sortent des universités, mais il y a des gens qui n'ont jamais fait des études, qui sont des ouvriers, des travailleurs. Enfin, il y a vraiment tout le monde, il y a les petits, il y a les grands, il y a les vieux, il y a les jeunes. Je crois que c'est ça la richesse de cette vallée et la richesse de cette lutte. Tout. Les affaires de la mafia, ils sont arrivés ici. Ils sont arrivés surtout dans les chantiers, dans les bâtiments de l'autre vallée. L'argent des affaires de drogue, de prostitution, de recyclage de déchetteries toxiques, tout l'argent, il est arrivé recyclé dans les chantiers dans le nord d'Italie. Il n'a pas de réponse. Il dit que nous, on est des montagnards, des rétrogrades, des gens qui refusent le progrès. Il n'a pas de vraie réponse logique. Il y a la logique de l'argent, il n'y a pas d'argumentation. Et là, c'est tout d'argent public. Par un projet que tout le monde y trouve inutile. Génération ZAD, nos taves un jour, nos taves toujours. Bussoleno est le lieu central de la Val di Susa. Bussoleno est l'endroit central de la vallée de Susa et reconnu comme un lieu notave parce que depuis toujours, la population s'est opposée au train à grande vitesse. C'est une petite ville de 6 000 habitants. Toutes les rues portent le nom des partisans qui ont participé à la lutte de libération. C'est donc un lieu très très à gauche, en dépit de toutes les vicissitudes. Les manifestations partent généralement d'ici, ainsi que de nombreux mouvements de résistance qui existent sur le territoire. De nombreuses activités aussi ont grandi autour de la lutte notave. C'était il y a 30 ans dans la vallée alpine de Souze, la partie occidentale du Piémont à l'ouest de Turin en Italie. Un mouvement de contestation spontanée s'était levé contre le projet de construction de la nouvelle ligne Lyon-Turin. Ligne à moyenne vitesse selon l'appellation de la Commission européenne, mais que les opposants ont pourtant baptisé TAV, traîneau ad alta velocità, comprendre train à grande vitesse. La première ZAD s'installe à Veno, dans la commune de Turin, là où devait commencer la galerie de reconnaissance géologique. En 2013, l'autorité de Luca, solidaire du mouvement, est accusée d'incitation au sabotage par la société qui gère la ligne du TAV. Le procès ouvert le 16 mars s'achève avec le verdict prononcé le 19 octobre 2015. L'écrivain est relaxé. Les 13 et 14 avril 2021, des affrontements violents opposaient les forces de l'ordre et les opposants au TAV. La lutte ne faiblit pas dans ce Val de Souze, défiguré par le béton et désormais qualifié de zone militarisée. Ici, on est notable de génération en génération. C'est dans le village de Bussoleno que je retrouve Maurizio, militant notable de la première heure. Tous ses t-shirts en attestent. Même moi, je ne connais pas. C'est la première fois. Avec cet homme généreux et accueillant, je vais aller à la rencontre des figures emblématiques d'une lutte toujours vive, figure ancienne et celle d'une génération qui a repris le flambeau. Alors ça, c'était tout les vignes. Celle de Luca, aujourd'hui vigneron et éleveur de chèvres. Tu regardes, même là, y a, ça c'est des petits escaliers, ça c'est des murs. Et chaque terrasse là, c'était en vigne. Après, ils ont construit la rue nationale là. Et normalement, la rue c'était plus en bas. Les vignes, ils sont été jusqu'au fond de la vallée où il y a la rivière. Et maintenant, on a que cette unique vigne qu'on a récupérée et qu'on ne veut pas abandonner. Ce sont des vignes qui ont 150 années et sont toujours là. C'est vraiment une chose, même pour un aspect agronomique, incroyable. Moi, je m'appelle Luca et j'ai 38 ans. Et j'habite là, à Chiomonte, ça fait presque 10 ans, 9 ans exactement, ça fait 9 ans que j'habite là. Buona mano, Mauri. Il faut faire un peu d'attention là, il y a des cailloux qui bougent. Moi, je ne suis pas originaire de cette région. Je suis venu pour un manif, et deux, trois fois, et après j'ai décidé de m'installer là-bas, pour faire quelque chose contre ce projet. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vignes abandonnées. Surtout, ils ont été abandonnés pour la construction de l'autoroute qu'il y avait dans les années 2000. Et beaucoup de gens des pays ont abandonné les vignes comme l'autoroute passait dessous. Et c'est pour ça qu'on a dit, bon, il faut faire quelque chose pour cette communauté. Il faut chercher une façon de faire de la lutte. Et on a décidé de s'engager sur le territoire. Alors, on a commencé à récupérer cette vigne. On a pris des animaux, parce qu'ici, sur les montagnes, il y avait la tradition d'avoir des chèvres. Alors, on a des abeilles, on fait du miel, on fait du fromage, on a beaucoup de jardins à légumes, des arbres à fruits et aussi les vignes. Et les uniques vignes qui sont... encore dans le territoire, sont les vignes qui sont dedans ce chantier. Et c'est pour ça qu'on a décidé de les récupérer. La lutte, ici, ça fait plus de 30 années maintenant qu'il s'est commencé. Et ça, c'est clair, parce qu'ils ont changé tous les gouvernements, de droite, de gauche. Et ce chantier, c'était toujours la priorité. D'un côté, c'était la priorité de le faire, et de l'autre côté, ils ont fait rien dans 30 années. Quand même, ils ont utilisé beaucoup de sous de la communauté et de l'Europe pour faire rien. Et ils n'ont pas travaillé. Ils ont seulement fait ce tunnel de 100 km exploratif pour voir ce qu'il y a dedans la montagne pour commencer le vrai tunnel. Ben, dans 30 années, l'unique chose qu'ils ont fait, c'est ce tunnel de 100 km. Et alors, c'est clair qu'ils n'ont pas vraiment la volonté de faire ce tunnel. Ben, ils ont seulement la volonté de voler les sous à la communauté. Il dit qu'ils ont 30 ans, qu'ils n'ont pas encore commencé les travaux parce qu'il y a des activistes comme nous. Bah, ça, ce n'est pas vrai du tout parce qu'ils ont complètement militarisé la zone. Ça fait de plus de 2011 qu'eux se sont installés là. Et chaque jour, on dépense 90 000 euros pour la sécurité. Bah, en Italie, il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a, par exemple, une autoroute dans le sud d'Italie. Ça fait 50 ans qu'il y a des travaux. Ça fait 50 ans qu'il prend le sous. Ça fait 50 ans qu'il n'est pas terminé. Et ici, c'est la même chose. Alors, ils n'ont même pas des argumentations. C'est vraiment la folie. C'est important de le dire. Il y a un village, un petit village touristique qui s'appelle Bardonecchia, où il y a les ressorts de ski et tout ça. Et c'était le premier village en Italie où il y avait une accusation d'infiltration de mafia. Parce que la mafia en Italie, normalement, c'est originaire du sud d'Italie. Ben, au sud d'Italie, il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas de ressorts, il n'y a pas vraiment de sous. Alors, ils ont mis tout l'argent là. Alors, ce petit village, à 2000 mètres sous la montagne, c'était le premier village en Italie qui avait vraiment le problème de mafia. Alors tout ça qui s'était construit là depuis 30 années, c'est la mafia. Et c'est une histoire vieux dans cette vallée qui nous on la connaît très bien. Et la mafia, elle vient ici pour nettoyer les argents. Et cette vallée, c'est pour eux une machine à laver pour les sous. Moi, je m'appelle Raquel Marchitelli, j'habite à Boussolet, je suis pas née à Boussolet, mais je me suis mariée ici, donc c'est 33 ans que j'habite ici, je connais bien la vallée, je connais bien le village. Si on faisait pas l'autre vitesse ici, on était coupé de l'Europe, isolé de l'Europe. L'argumentation, c'était ça. Mais il n'y avait pas d'autres argumentations. Mais nous, on n'est pas isolés de l'Europe. Nous, on transite vers la France pour le Mont-Genèvre, pour le tunnel du Fréjus sur l'autoroute, pour le tunnel du Fréjus sur les chemins de fer. On n'est pas isolés de l'Europe. 30 ans après, on vous donne toujours les mêmes arguments ? Oui. Il n'a pas changé. Non, il n'y a pas d'autres arguments. Il faut progresser, il faut faire des infrastructures, parce qu'en Italie, le travail, c'est seulement faire des infrastructures, et tous les partis politiques, ils ont toujours dit la même chose. Mais nous, on n'est pas un pays qui ça manque des infrastructures. Et en plus, nous, on n'est pas dans la plaine, nous, on est sur les Alpes, on ne peut pas faire sur les Alpes des projets pharaoniques, sans considérer qu'il y a de la population qui habite ici. Ici, il y a population partout. On a 70 000 habitants à peu près, villages à peu près, entre les gros et les plus petits, on fait 35 villages. Alors, comment on trouve la force pour militer pendant 30 ans ? On reprend la force surtout quand on voit la grande militarisation qu'il y a. Maintenant, on a plein de policiers à défendre un outil de travail pour faire des bougements de terre. Et là, nous, on dit, mais c'est pas possible tout ça. Que nous, on est militarisés pour ça, on est contrôlés, on a passé des moments qu'on était contrôlés. Moi, je faisais des vélos tout terrain, j'étais contrôlée sur les chemins, j'étais contrôlée partout des années. Une année, on est arrivé même le jour des morts, hein, que toutes les personnes ils vont bon, dans les cimetières. Hein. Les personnes, pour rentrer au cimetière, ils devaient donner sa pièce d'identité. Alors ça, il démontre. Qu'est-ce que ça veut dire, militarisation d'un territoire ? Chaque jour, les militaires et les polices qui sont entrés, ils changent. Luca. Et alors, ils ne nous connaissent pas. Même si nous, on entre là-bas chaque jour, depuis 10 années, chaque jour, il y a un policier nouveau qui ne te connaît pas. Et alors, tu dois être obligé de t'identifier. Il y a des jours qui ça prend beaucoup de temps. Nous, on est pressés pour aller à travailler et peut-être on doit rester une demi-heure, 40 minutes là pour être identifié quand nous, on va travailler notre terrain. Ils n'ont pas une liste avec les gens qui sont autorisés, avec les propriétaires des terrains, qui ont le droit d'entrer. Ça fait 3 années, on était dans le temps de la vendange. On était un gros groupe de 15 personnes, 20 personnes, prêts pour aller à vendager. Et on est arrivé là-bas le matin, ils ont dit « Non, aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'entrer. » Et ça, c'était vraiment une chose exceptionnelle, parce que même pour la vendange, on ne peut pas attendre. Il y a un jour que les raisins ils sont prêts, et c'est toute l'année de travaux pour arriver à ce moment-là. Et ils ont dit sans aucune raison que ce jour-là, on n'avait pas le droit d'entrer. Bon, on est resté là, je crois, 5 heures, 6 heures. On a appelé des copains, il est arrivé même le maire du village. Il a commencé même lui à traiter avec les militaires et tout ça. Et après, ils ont nous laissé entrer, bah, après 6 heures à la porte. Ça, c'est un bon exemple de la militarisation. C'est-à-dire que vos terres sont occupées ? Ouais, ils sont occupés, 100%. Après, pas sur la carte, parce que sur la carte, ils sont à nous. Bah, dans la réalité, ils sont occupés. On a même des horaires qui on peut entrer et qui on peut pas entrer. Ça veut dire que normalement, la soir, avant 7 heures, on doit sortir de notre terrain. Et si nous, on ne sort pas, on avait même des jours qu'ils ont nous donné une amende de 200 euros, 300 euros, parce qu'on n'est pas sorti avant 7 heures de notre terrain. Bon, moi, je suis venu là exprès pour ça, et ça ne me dérange pas trop. Ben, moi, j'imagine un vieux de 80 ans qu'il est allé chaque jour de sa vie dans son terrain, et un jour, il se trouve des militaires qui lui disent « Ah bon, à cette heure, tu dois sortir ». C'est vraiment une chose de ouf. Il y a beaucoup qui ont abandonné même pour ça. C'est une humiliation. C'est une grosse humiliation, oui, c'est ça. Accord entre les chemins de fer français et italiens pour une liaison transalpine à très grande vitesse permettant de gagner au moins une heure sur la durée des trajets actuels. Dès octobre, un voyage ponctué par de nombreux arrêts et des détours. Ce train ignore que la ligne droite est le plus court chemin pour aller d'un point à l'autre. Parti à 17h14 de Lyon, il met plus de 4 heures pour rejoindre Turin. Dès lors que les deux systèmes seront totalement compatibles. L'annonce dans les 10 ans d'une liaison TGV qui relierait Lyon à la capitale du Piémont en 1h20 est bien sûr très attendue car les déplacements aériens sont régulièrement perturbés. Les aéroports de Turin et Milan sont souvent envahis par le brouillard l'hiver. Mais pour la SNCF, les obstacles à franchir sont encore nombreux. Comme pour le TGV Sud-Est, une résistance au tracé vient de naître. Pizza, pizza. Si, si, si. Allora, poi dopo lo chiamiamo lui. Facciamo le pizze. Est-ce qu'on peut raconter la genèse, le début de ce mouvement NOTAV? Ça commence en quelle année, Rita? Le mouvement commence en 93, plus ou moins. Dès les premiers projets, un groupe de personnes de la vallée est parti en France pour enregistrer les rumeurs qui concernaient le train à grande vitesse. La première grosse manifestation a eu lieu en 95. Et c'erano molta gente, allora c'erano ancora anche i trattori, le cose. Une foule nombreuse, des tracteurs, des engins agricoles, etc. Et ensuite, on a assisté à la criminalisation du mouvement. Des gens ont été arrêtés, comme Baleno. Et puis sont tombées les premières accusations de terrorisme. À Turin, qui l'ont accusé des jeunes d'un centre occupé de faire des attentats. N'était pas vrai. Bon, après, hein, on le peut dire, parce que c'était les juges qui l'ont reconnu, que c'était pas vrai, que c'était toute une histoire compliquée. Mais le pire était que ces jeunes, avec la pression médiatique, avec la pression de l'État, avec les juges qui arrivaient à dire, bon, vous allez plus à sortir de la prison et tout, et se sont suicidés. Et alors la lutte, il va commencer avec deux morts. Et les deux jeunes s'appelaient Sole et Baleno. Et puis, nei primi anni 2000, se n'è iniziato a parlare. E la vera cosa c'è stata nel 2005. Le mouvement prend de l'ampleur dans les années 2000. Nel 2005 c'è stato Avenaus. Mais le moment crucial, c'est en 2005, Avenaus, avec les premières occupations de terrain et d'entreprises. Dei terreni per quand ils ont voulu construire un tunnel d'exploration. Era un tunnel solo esplorativo. Quand on a pris le chantier de Venaus, 8 décembre 2005, là c'est un grand moment de l'histoire du mouvement. Rachel. Parce que le 8 décembre, alors le jour avant, la police il avait tapé, mais vraiment fort dessous à des jeunes qui faisaient des campings à côté du chantier. Et c'était un moment très violent, très, très, très dur. Le 8 décembre, on a manifesté pour ça. Mais toute la police, il y avait vraiment, vraiment un monde de police. Toute la police, il a bloqué la route d'Assouz pour aller dans ce petit village, Venaus, un village un peu neutre, pour aller là. Et moi, j'étais dans un groupe que je connaissais des chemins, donc il y avait un peu de neige. On est passé, on avait les grands chasseurs de montagne, on est passé pour un chemin sous la neige. On est arrivé quand même, au début, on était 20-30 personnes sur le terrain. Et après, beaucoup de gens, il a commencé à arriver. Il y avait tout le chantier clôturé. Et quand on était au moins 10 000, qu'on est arrivé dans des conditions avec la neige pour les chemins, 10 000 personnes, on a commencé à défaire tout la clôture du chantier, à lever tous les piquets comme ça. On est rentré tranquille, 10 000 personnes, on est rentré. C'était plein de police. Ils se sont mis comme les légions romaines dans la position comme ça. Ils se sont mis et ils sont partis tous. Et nous, on a repris le terrain. Attention ai pas, attention. Et souvent, les journaux, ils vont à dire s'ils vont avoir pas trop de monde. Ils vont à dire, vous voyez, l'agent, il est d'accord avec tout ça. C'est un petit groupe d'extrémistes, le centre social, c'est tout ça. Mais c'est pas vrai tout ça. Tout le monde, il est d'accord qu'il faut pas faire tout ça, hein. C'est l'argent public de l'Italie qu'il a besoin d'investir dans d'autres choses, l'école, la recherche, l'université qui n'a plus d'argent, la santé publique qui ça n'existe presque que plus. Et donc là, c'est une affaire de l'État, c'est une affaire qui c'est pour tous les Italiens, parce que là, l'argent qu'on va mettre là, il va être levé de toutes les autres choses. Donc c'est quand même une affaire... vraiment public, pas local. J'imagine aussi qu'on vous promet plein d'emplois. Oui, argument de travail. Oui, l'argument de travail, c'est il faut donner travail, il n'y a plus de travail parce que toutes les usines dans la vallée, ils ont presque tout fermé. Il n'y a plus grand-chose. Ici, à Boussolène, on a perdu beaucoup de places de travail parce qu'il y avait un grand pôle du chemin de fer. Et là, c'est-à-dire qu'avec le chantier, ils vont dire vous refusez d'avoir de travail. Mais nous, on a déjà vu, de toute façon, quand il a fait, dans les années 90, l'autoroute, la plupart des chantiers, c'était de travail pas qualifié. Les gros des immigrés albanais, parce que c'était les années qui sont arrivées, tous les immigrés dans l'Albanie, des Albanais, des Roumaines, comme ça, c'était pas de travail pour la jeunesse, de toute façon. Des gens qui acceptaient de travailler 15-16 heures par jour sous-payés, c'est ça le travail ici. Ici, en Italie, ça n'existe pas, un SMIG comme en France. Donc, tu peux accepter un travail pour 4 euros à l'heure. Perché magari qualcuno parla di economia. Emilio. Però io parlo di salute pubblica. Probablement que quelqu'un va parler d'économie, mais moi je parle de santé publique. Parce que si quelqu'un me dit qu'une nouvelle ligne ferroviaire contribuera au développement de la vallée, j'y crois pas. Et les problématiques de santé. Allora io ho una figlia dentro questa valle. Moi, j'ai une fille qui habite dans la vallée. Et je ne crois plus en l'État. Je ne crois plus à rien. À ceux qui, soi-disant, défendent le peuple. Alors, c'est moi qui me suis investi. Je me suis engagé dans la lutte. Parce que vraiment, je ne crois plus en l'État. Et pour me réapproprier ma dignité, je suis obligé de combattre ce système. Parce que sinon, je suis en train de le subir et j'ai plus le droit de me plaindre. Tu comprends? C'est ça que nous voudrions expliquer aux gens. Mais nous n'avons pas de grand canal d'information. Par contre, il y a une chose qui se diffuse, c'est la rhétorique du système, qui dit que nous sommes des bandits. Des terroristes, que je suis un terroriste parce que je veux juste défendre la vie de ma fille. Des géologues, des gens qui connaissent bien les terroirs, ont parlé qu'il a un problème d'uranium et amiante. Donc, il va venir quand même un gros problème de santé publique. Ici, vous avez les autorités, vous avez les entreprises qui veulent donc réaliser ce projet. Mais également, Emilio, vous avez la mafia. Alors comment on combat la mafia? Ça ne fait pas peur, ça? Ça ne fait pas plus peur que l'État? Oggi, io, perché ho conosciuto la mafia quando ero bambino. J'ai connu la mafia quand j'étais adolescent, quand j'avais 15-18 ans. Je la connaissais autour de moi, j'avais deux frères qui étaient fichés 41 bis. Io ho dei fratelli che hanno avuto il 41 bis. A chi il 41 bis è una loi dell'ordinamento italiano per signare una persona che è di mafia e sapere 41 bis. E Et mi ricordo quando io ero bambino. Et je me souviens que lorsque j'étais encore enfant, ils étaient venus avec l'intention de m'enrôler. Mais comme moi j'étais une personne foncièrement honnête, je suis resté en marge de ce monde. Moralmente onesta, ha fatto da argine a quel mondo. Però io me la ricordo quella mafia. Già quella mafia si interessava al mattone. Ce dont je me souviens, c'est qu'à cette époque, la mafia s'intéressait à la pierre, au béton, parce qu'ils voulaient construire des villes touristiques comme Bardonecchia, Sestiere. Ma una volta la mafia tirava su i mattoni delle case. Autrefois, elle tirait bénéfice des matériaux de construction, mais aujourd'hui, la mafia a mis des cravates. Les mafiosi sont entrés dans les ministères, dans les institutions, dans les lieux de pouvoir, dans les banques. Dentro i posti di potere, dentro i ministeri, dentro le banche. Forse non uccidono più come uccidevano una volta. Sans doute, ils tuent plus comme ils tuaient autrefois, mais en fait, ils tuent beaucoup plus avec la pollution. Con la lupara, spada ben. Adesso inquinando. Rita, l'infatigable activiste, souhaite me montrer l'ampleur des dégâts. Au petit matin, nous partons dans le village de Chiemonte, où Gabriel, jeune chercheur, nous attend. Ici commence la zone militarisée la plus surveillée de la vallée. Questa è l'autostrada, quella che passa sotto qua. Là, on passe sous l'autoroute. Un peu plus haut, on trouvera l'autoport, c'est-à-dire le terminal des camions, celui qui doit disparaître au profit de celui de Souza. Avec toutes ces lignes là, plus la voie ferrée, cela aura un gros impact parce qu'on a pu voir les lignes à grande vitesse en France et en Italie et constater combien elles sont larges et toutes les infrastructures électriques qu'il faudra installer pour la faire fonctionner. Et il y a de nombreuses maisons, j'imagine, sur son tracé. Sur ce tronçon, rien n'est encore décidé. Car la chose qui les intéresse, c'est de percer le tunnel. C'est comme si tu devais construire un ouvrage gigantesque et que tu commences par la plus petite chose. Mais le tunnel recouvre tant d'intérêts économiques. Là, ce qu'on voit, c'est le terminal des camions qui doit être supprimé. Donc ce qui les intéresse, c'est construire le tunnel, un point c'est tout. Mettre tous ces millions d'euros dans le tunnel. Tutti questi milioni di euro nel tunnel. Maurizio lì. Aspetta che io avevo il telefono dietro. Va bene. E poi pensavo. Chiemonte è un petit peu particulier. C'est pas tout à fait Boussolène. Ils vivent surtout du tourisme. Ici, il a gagné une administration favorable à la table. Si tu veux, à les dernières élections, on a vu toujours deux listes. Une liste favorable et une liste contraire. La dernière fois, il a gagné la liste favorable. Le temps de boire le café, on peut aller. Parce que le train, le TAV, j'imagine que pour les villes comme Milan, comme Turin, comme Venise, les villes très riches, les villes du Nord, c'était un projet important. C'est sûr, les grandes villes, ils ont des grands intérêts, mais pas les grandes villes, je veux dire les sociétés, ils ont des intérêts à faire ça. Même à Milano, on a des comités de soutien, et pas seulement des petits comités de soutien à la lutte notable, mais on a presque dans toute l'Italie des comités de soutien, des manifs, surtout quand la répression et la tapée dure qu'on a eue pour presque une année, 4 personnes en prison, à Milano, ils ont fait des réunions énormes. Une fois, je suis allé pour la vallée à parler, expliquer, était un théâtre plein de personnes. Non, la résistance notable, c'est... c'est sûr que ce sont plus les jeunes. Hein. Ici, c'est mélangé. Dans les autres villes, oui, c'est plus les jeunes et personne de gauche. Après, le mouvement, comme il a toujours déclaré, il ne fait pas question des idées religieuses ou politiques, mais il a deux, trois points. Le premier, c'est non les fascistes, non les racistes et non les machistes. Bon, après, tu peux être anarchiste, communiste, démocratique, qu'est-ce que tu veux. Voilà, le chercheur qui arrive là, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis un chercheur ici en Val di Susa. Je viens de l'Angleterre, je fais un doctorat en anthropologie en Angleterre et je suis ici pour étudier les impacts des infrastructures sur l'environnement et le territoire de la Val di Susa. Alors nous, maintenant on va au chantier, tu viens avec nous ? Oui, oui. C'est quoi la problématique ici ? C'est une vallée étroite, bordée de montagnes très hautes, mais c'est aussi une vallée industrielle qui a eu un passé industriel très fort. Je ne sais pas si vous avez vu les gros bâtiments industriels dans la Basse-Vallée. C'est une vallée qui a été très, très exploitée, très fortement. Et c'est pour ça que les mouvements Notav, ils se sont opposés ici avec autant de force contre le chantier. C'est parce que c'est une vallée qui a déjà été saturée par tous ces projets et maintenant, il n'y a plus de place pour rien. Et on voit ça avec tous les problèmes qu'il y a maintenant avec l'extraction du matériel de la montagne. Et ils vont mettre ça à Saalbertran. Mais à Saalbertran, il y a déjà un grand espace qui a déjà été pris par ça pour l'autoroute. Le même problème à San Didero. À San Didero, ils avaient déjà fait un projet infrastructurel pour l'autoroute. Après, ils ont abandonné et maintenant, ils doivent refaire tout à zéro. Il n'y a plus de place dans cette vallée. Si on veut parler d'une politique écologique dans le futur, il faut aussi penser qu'on a eu déjà un certain impact sur le territoire et sur l'environnement et il va falloir penser à réduire un peu tout ça. On doit aller à chantier maintenant. Hein, on y va ? Mauro, ah sì, ciao Rita. Ciao. Hai comprato i terreni, mi diceva. Avete fatto il comodato d'uso, no? Vabbè. Ho fatto il comodato d'uso mesi fa, però adesso domani glielo espropriano, no? Domani va per l'esproprio, sì. Quello è un bel casino. Demain, il est en train de dire que demain, ils vont exproprier un terrain à San Didero. Le propriétaire, c'est le mari de Rita. Mais moi et un peu d'autres personnes, on avait fait un contrat pour une location gratuite il y a quelques mois pour le soutenir un tout petit peu parce que son terrain, c'est un terrain qui est tout près du nouveau chantier à San Didero. Et même si ce n'est pas un terrain qui était dans le projet pour l'autoporto, demain, ils vont l'exproprier. Même s'ils n'en ont pas besoin, ils le prennent quand même. Mais pour Susa, alors à Susa, il va y avoir la gare internationale qu'ils vont construire. Et tout ce qu'ils vont extraire de la montagne, une grosse partie, ils vont mettre à Susa, justement parce que à Saalbertrand, où ils devaient faire ce dépôt, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas le faire à Saalbertrand, parce que Saalbertrand, il y a déjà un autre dépôt qui est plein d'amiante. Et donc pour faire ça, ils vont devoir refaire toutes les routes, l'autoroute, tout ça, autour de Susa. Et donc maintenant, le comité notable de Susa, ce qu'ils sont en train de chercher de faire, c'est de convaincre la population qu'en fait, il y a un gros problème qui va arriver dans les prochaines 4, 5, 5 ans, et c'est-à-dire qu'il y aura ce nouveau chantier qui va être absolument monstrueux. Maintenant, on voit le chantier. Et ici, le lieu qu'on va voir, que maintenant c'est le chantier, était le lieu qu'on appelle la Libera Repubblica de la Maddalena, où nous, on est restés pour 40 jours, hein, et toute la zone était occupée dans les moments notables, même la police, ils ne pouvaient pas rentrer, était comme en barricade. Hein. Voilà. Et les jours qu'ils sont arrivés, avec 50 fourgonnettes et tout, une chose impossible. Et après qu'ils nous ont jetés dehors, on a cherché de rentrer et tout, et au final, on a fait un camping qui est duré pour 3 mois, ici derrière, voilà, Gilles de Marisa qui nous attend. Ci esci? Ci esci no? Più tardi poi vediamo che parla. On est devant un mur grillagé, ça c'est pas l'entrée du chantier. C'est avec 4 km, 5 km. Donc là, ils ont barré la route. Ils ont barré la route contre nous, contre le mouvement Notav et contre personnes comme Marisa qui sont des propriétaires des terrains. Oui. Parce que Marisa, il avait les terrains. Ici. Moi, c'est le moment où je veux entrer. Il faut donner le papier comme une frontière. Nous avons beaucoup de terrain ici. Ici, la police empêche les propriétaires des terres de rentrer chez eux. Voilà, c'est exactement comme ça. Oui. Sous le prétexte qu'ici, en fait, c'est une zone militaire depuis 2012-2013. Ils ont déclaré ici zone d'intérêt national et stratégique. Depuis alors, il y a un checkpoint ici de carabinieri. Et toute la zone d'ici jusqu'au chantier. Et le chantier, on ne le voit même pas d'ici, c'est de l'autre côté de la colline là-bas. il y a le chantier, et d'ici jusqu'au chantier, c'est toute zone militaire. Donc c'est toute zone qui est sous le contrôle des carabiniers, de l'armée, de... Voilà. Ici, où on est maintenant, pour des mois, Marise et des autres ont organisé tous les vendredis soirs comme forme de protestes et de faire voir qu'on est dans les territoires. Surtout Marise, il avait lancé l'idée et tout, et on s'est retrouvés ici, on mettait des... Bon, des... Il ne sait pas entrer beaucoup de gens ensemble. Il faut rentrer un ou deux à la fois. Alors, pour venir un peu de gens, on venait à manger ici le vendredi. C'est une chose militarisée, c'est une chose inimaginable. Et c'est de beaucoup d'années, hein, dans 2011, qu'il marche comme ça. C'est pas démocratie, ça. C'est pas la République. Pour un petit moment, le Premier ministre Conte, il a dit publiquement qu'il pensait que ce projet, c'était un projet inutile, qui coûtait beaucoup trop d'argent. Mais après, finalement, il a été, lui aussi, il était convaincu, je ne sais pas, par le Parlement ou par les gros intérêts qui sont derrière ce projet. Et donc, ils ont continué. Et pourtant, il y a eu la sentence de la Corte dei Conti, la European Court of Auditors. La Cour des comptes l'année dernière, ils ont fait cette sentence et ils ont dit que ce projet, comme d'autres projets, c'était des projets qui ne pouvaient pas espérer d'avoir les effets positifs que les proponents ils disaient. Donc il y avait le professeur Yves Crozet aussi, il a dit très clairement que c'est un projet qui avait des coûts écologiques très très élevés. Et donc, ce n'était pas un projet sur lequel l'Union européenne pouvait investir pour le futur. Et pourtant, en avril de 7 ans, ils ont ouvert un nouveau chantier qui fait partie du gros projet à Saint-Didier là, avec la force. Ils ont militarisé toute la zone autour du chantier. Je ne sais pas exactement comment on peut expliquer que ce projet il continue à persister malgré tous ces problèmes qui ont été très clairs. Ils ne reconnaissent pas tous ces problèmes environnementaux. Au contraire, ils disent qu'en fait, c'est un projet qui est green, non ? Puisque ça va créer un... supposé transfert de la route des camions au transport sur voie ferrée. Donc c'est un projet qui est green et voilà, il s'arrête là. Ils reconnaissent pas du tout ce que les gens qui habitent ici ils disent depuis 30 ans. Dans l'année 2007, on avait pris 37 000 signatures et on est allé avec une très forte délégation, avec des bus et tout, jusqu'à Strasbourg et ils n'ont rien vu. Vous pouvez me décrire la peinture qu'il y a là ? Il y a Alta... Alta Voracita, haute voracité, donc l'haute voracité du système du TAV. Donc voilà, c'est cette chaîne d'argent qui passe pour le TAV et c'est une des grosses critiques du mouvement du TAV. C'est-à-dire que là, il y a une succession de gens à quatre pattes qui mangent l'argent, qui est rejeté des intestins de ceux qui ont mangé avant. Voilà, c'est ça. Ici, dans la vallée, toute l'histoire de l'infrastructure, ça a eu ce vécu-là. Donc tout ce que le mouvement du TAV dit... contre le TAV, c'est pas abstrait. Ça vient du concret de ce que cette vallée a vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait. À l'intérieur d'ici, où maintenant ils font tous les trucs, était aussi un des principaux lieux archéologiques hein, de l'Italie. C'était un village qui a 6000 ans. Alors, pour dire que même ça, c'est un motif pour pas faire passer un train. Et bon. Mais sur la zone archéologique, il y a une grosse contradiction là, parce qu'ils ont valorisé tout ça alors qu'ils faisaient l'autoroute, non ? Ils ont découvert ce site archéologique et ils l'ont valorisé. Et après, quand ils ont fait le nouveau chantier pour l'OTAV, qui est juste en dessous de l'autoroute, ils ont tout cassé. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. En France, ça se passerait pas du tout comme ça. Ça se passerait pas du tout comme ça. Là, on est donc devant ce checkpoint. À 3 km, il y a cette espèce de tunnel, ouais, qui était un tunnel expérimental, en fait. Oui. Pourquoi on le protège autant ? On le protège autant parce que c'est le seul chantier qu'il y a. Et puisqu'ici, il y a beaucoup d'opposition à ce projet, ils ont le besoin de le protéger pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui essaye de rentrer. Il y a eu des sabotages, bien évidemment. Il y a eu des sabotages, des personnes qui ont fait des sabotages au chantier et ils ont eu même des problèmes judiciaires à cause des sabotages. Ils ont été accusés de terrorisme pour avoir saboté des véhicules de construction. Mais oui, enfin, c'est un niveau de protection. Pratiquement les seules personnes qui travaillent ici, c'est la police, les carabiniers et l'armée. Parce que sinon, depuis quelques années, il y a vraiment très peu qui se passe dans ce chantier du point de vue du travail. Donc ça aussi, c'est un coût public, non ? Entriamo. Alors vous cherchez quoi ? Vous cherchez vos papiers, c'est ça ? Si, le papier. Dans dans la Val di Susa, ils ont vraiment construit tout ce qu'ils voulaient construire, sauf peut-être un aéroport. Est-ce que la population a été consultée? Est-ce qu'il y a eu un référendum comme à Notre-Dame-des-Landes, comme à Nantes? Non, il n'y a pas eu de référendum. Après 2005, c'est-à-dire quand le mouvement Notav a eu un premier moment de grande victoire, où ils ont réussi à stopper le chantier totalement à Venaus. Après ça, il y a eu le gouvernement a créé un observatoire pour le projet. Vous avez les papiers préparés, seulement pour faire plus vite, comme ça, dans les papiers. Bonjour. Bonjour. Habito qui et siamo accompagnando un giornalista francese. Ok. Di Radio France. Avete solo il documento? Sì. Due secondi solo. Sì. C'è anche il... Sì, c'è anche il ragazzo, è un ricercatore dell'università inglese. E non dice solo un petit moment, c'è qua che devono fare fotocopie di papier d'identità, poi non va così. E grazie. Prego. Voilà. Dopo che sia attuato, sì. Grazie. Aujourd'hui, ils ont été aussi gentils. Il n'arrive pas toujours, hein. Peut-être que c'est la presse. Je lui donne ça. Il carabinieri, tendenzialmente. Poi, no, sì. Questa è mia. Questa. Tua, allora, questa è la tua. Ira, ira. Effectivement, on est entouré de barbelés. Les chemins sont bordés de barbelés. Voilà, oui, oui, oui. Et là, c'est interdit de rentrer. C'est où ils ont fait le quartier général à eux. Même des fois que dans des manifs, ils ont pris des personnes pour les interroger et les ont amenés à l'intérieur de l'ancien site archéologique. Alors ici, on est derrière le chantier, en fait. Et on voit l'autoroute. Il y a cette autoroute avec ses piliers, très, très, très hauts. Et en dessous des piliers, il y a tout le chantier, le seul chantier qu'ils ont ouvert du côté italien. Et ça, c'est le chantier qu'ils appellent le chantier de la Maddalena. Ici, c'est la zone qui s'appelle la Maddalena. Et on ne le voit pas d'ici, mais il y a quelque part, il y a le tunnel qu'ils sont en train de creuser. Et ici, juste devant nous, il y a un espèce de plateau. Et ça, en fait, c'est le plateau. Ce plateau, il est fait de tout le matériel qu'ils ont extrait pendant ces dernières années. Et ici, le tunnel qu'ils ont fait, il fait 7 km, non ? 7 km, ils ont créé un plateau énorme. Donc, pensez bien, 57 km fois 2, parce qu'ils font deux tunnels, un pour aller dans une direction, l'autre pour aller dans l'autre direction. 57 km de tunnel, ça va créer une quantité de matériel qui est exponentiellement plus gros que ça. Aussi au niveau de l'eau, tous les fleuves qui ont été interrompus par les travaux de construction, ça aussi c'est une grosse préoccupation avec le TAV, parce qu'il y a un tunnel de 57 km sous une montagne énorme, ça va forcément causer l'interruption de certains fleuves qui portent l'eau à certains villages de la vallée. Et ça, c'est un problème. Quand tu interromps un fleuve, c'est fini. Il n'y a plus moyen de le récupérer. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir autant de caméras de surveillance en pleine campagne. Oui, oui, oui, ça aussi, c'est étonnant. Mais aussi, la nuit, si on vient ici, c'est comme être, je sais pas, au stade, un truc comme ça. C'est parce qu'il y a le spotlight très fort, il y a le spotlight, il y a les caméras, il y a le bruit constant parce qu'il y a le tunnel, en fait, il fait beaucoup de bruit. Donc, c'est un endroit de campagne où, effectivement, on n'est plus en campagne. On est dans un endroit industriel, militaire. Il y a des rapports qui disent qu'il y a eu des études qui ont été faites et voilà, il n'y a pas de problème. Et c'est comme si on avait, je sais pas, un match de basket où on jouait contre une équipe adversaire et le capitaine de l'équipe adversaire, c'était en même temps l'arbitre du match et aussi le président de la ligue. On ne sait pas réellement si ces études sont sur le papier. Ça, oui, il y a eu des études qui ont été faites. Mais après, il y a eu aussi pour des projets avant le TAV, il y a eu des problèmes où ils ont dû interrompre les travaux parce qu'ils ont trouvé des situations qui étaient difficiles à gérer. Et le souci, c'est qu'il y aura le même problème ici, mais que même pas ça va être suffisant pour arrêter les travaux parce que maintenant, il y a eu tellement d'investissements sur la militarisation, sur la sécurité et aussi sur le côté médiatique parce que tous les médias ils sont favorables au projet de façon très superficielle. C'est très difficile d'arrêter ce projet, même avec des argumentations fortes comme la Cour des comptes. Hier, ils ont dit dans la presse qu'ils vont terminer tout dans 2030. On va voir. C'est l'accord avec la France que en 2030, c'est tout terminé. Ah oui, la France et l'Italie ont passé des accords. Ouais. Oui, oui, oui. Et l'Union européenne aussi a dit qu'ils vont, financer tout ça jusqu'au 2030, parce que ça fait partie des projets stratégiques de l'Union européenne. Jusqu'au 2030, ça c'est un des projets qui doit être terminé. Il ne va pas être terminé en 2030, ça c'est sûr. Alors Rita, quand vous voyez ce paysage, j'imagine que vous êtes triste. C'est très triste. Molto, sì, sì, sì. Adesso io ho più di un anno che non venivo qua e effettivamente hanno piantato tutte quelle piante là, sono tutte morte, vedi? Ah oui, le piante che, che l'ho mis là, ho regardé e sono tutte morte. C'est la dire question di la pollution. Maître Danilo Ghia est un avocat engagé aux côtés du mari de Rita, propriétaire menacée d'expropriation de terres menacées, elle, de réquisition. Dobbiamo rifare completamente la progettazione. Nous devons repenser complètement le déroulement de ces travaux afin de les suspendre. À l'instant, Rita et Mauro m'apportent la procédure. On s'est mis d'accord avec Mauro pour se rencontrer demain matin sur les lieux de l'autoport, le terminal des camions. Pour ce faire, ils doivent exproprier Mauro. Du coup, ce qui arrivera demain matin avec Mauro, on l'ignore. Mais alors, face à vous, il y a l'État. C'est facile de se battre contre l'État en Italie ? Non, anche in Italia non è più facile. Io credo che non, ce n'est pas plus facile en Italie. Cette stratégie de ralentissement ne peut convenir au mouvement notable. Sono 20 anni che combattono, 20 anni, no, 30 anni. Ça fait 30 ans qu'ils combattent, qu'ils créent des comités, qu'ils ont recours à des experts. Che oltretutto vi sono dei comitati, dei tecnici molto esperti. Noi come avvocati, nous, en tant qu'avocats, que pouvons-nous faire? Le vrai problème, ce sont les procédures en cours contre les manifestants. Io credo che ormai abbiamo sicuramente superato il migliaio di procedimenti penali, soprattutto di. Nous avons désormais sûrement dépassé un millier de procès pénaux. Procedimenti penali in Italia hanno una. Entre parenthèses, les procédures pénales en Italie sont très longues. C'est une sorte de privilège. Nel trattare questi procedimenti, anche dei fatti molto recenti, finiscono in tribunale. A differenza di altri processi, di altri temi, ove. En revanche, toutes les fois que les militants notaves commettent un délit, cela retient l'attention des ministères publics et en conséquence, tout est discuté dans des délais plutôt rapides. L'attenzione da parte dei pubblici ministeri è preminente, ragion per cui vengono discussi in tempi assai brevi. Oltretutto, ci siamo trovati con delle condanne gravissime, avete visto, abbiamo visto la condanna. On s'est retrouvé avec des condamnations graves. La condanna di Dana, la condannation de Nicoletta, celle de Dana pour des faits absolument ridicules. Dana s'est retrouvé avec une condamnation de 2 ans. De plus, avec un tribunal qui n'a même pas proposé de convertir sa peine en assignation à résidence, si ce n'est au bout de 6 mois. C'est la raison pour laquelle je dirais qu'il s'agit d'un complot d'une magistrature piémontaise très rigide à l'encontre des manifestants notaves. Par exemple, il y a encore un an, le blocage des routes était puni par une sanction administrative. On devait simplement payer une amende. Sous le gouvernement 5 étoiles, appuyé par la Ligue, ça a été modifié. Aujourd'hui, le blocage d'une route peut être puni d'une peine de détention pouvant aller jusqu'à 6 ans. Voilà ce que tu risques si tu organises un cortège, si tu manifestes, si tu bloques une route. Comme on peut le constater, ils essayent de punir sévèrement, de quelque façon que ce soit, toute forme de conflit. Il y a une chose qui, moi, m'étonne beaucoup. On s'est beaucoup promené avec Maurizio et avec Rita, et on a l'impression que dans toute la vallée, il y a une force d'occupation. C'est légal tout ça ? C'est... Comment on peut justifier de dépenser autant d'argent public pour garder des endroits où il n'y a rien ? Ecco, io credo che ci sia veramente un'occupazione militare. Poi non so se hai notato un particolare. Je crois qu'il s'agit vraiment d'une occupation militaire. Je ne sais pas si tu as noté cette chose particulière, à savoir que le fil barbelé qu'ils mettent pour clôturer est celui utilisé par les Israéliens. C'est un fil barbelé très dangereux. Nous, depuis des années, nous disons que c'est une occupation de la vallée et qu'elle est illégitime, mais nous devons affronter les pouvoirs forts. Bref, nous sommes tous contre cette occupation. Entre autres, tu as vu le chantier de Chiemonte et de San Didero. Ce sera la même chose à Susa. Sauf que ce sera beaucoup plus important. Perché lì dovranno sostanzialmente fare una stazione e ci sarà poi anche a Capri. Même chose à Capri et à Salda. Autrement dit, la zone militaire dans le Val de Susa comprendra de nombreux fortins. C'est une chose incroyable, c'est une chose inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous prêts à combattre ce projet. Alors, Rita a reçu une lettre. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cette lettre? Parce que, si j'ai bien compris, demain, son mari doit être expulsé d'une partie de ses terres. Que dit la lettre? Questa è la lettera con la quale la SITAV sospende. C'est la lettre émanant de la CITAV qui dit qu'elle suspend les travaux de la procédure d'adjudication à San Didero. Ça signifie qu'ils ne réaliseront pas dans l'immédiat cet ouvrage, qu'ils doivent refaire tout le projet. Et seulement après, ils pourront lancer les procédures d'attribution des travaux aux entreprises. Alors que va-t-il se passer dans le Val de Susa? Malgré tout, l'activité d'expropriation sera exécutée par la TELT, une société italo-française chargée de cette exécution. Tu penses bien que le gouvernement italien a délégué la TELT pour effectuer ces expropriations. Donc, les arrêtés d'expulsion des terrains n'ont pas été pris par l'État, mais par la TELT, à qui est revenue cette tâche. Ma sono stati eseguiti dalla TELT, che era stata delegata dal governo per l'esproprio. E già questo è una cosa incredibile. Cette chose est absolument incroyable. Ils ont exproprié, placé des clôtures en l'absence d'un projet exécutif réel. C'est scandaleux. In assenza di qualsiasi progetto. È scandaloso. Les gens devraient s'en rendre compte. Mais le problème, c'est que seuls les habitants du Val de Susa sont au courant. Mais les Italiens, non. Ma forse è meglio la pizza perché la cucina mi sa che. Dobbiamo fare pizza? Sì, sì. Je prends un chef qui s'appelle Spritz. Tu connais? Voilà, tu vas goûter. Il y a une chanson qui raconte le mouvement d'Ottawa. C'est quoi votre chanson préférée, Rita? Canzoni, canzoni, canzoni. Beh, ce ne sono almeno due. Una è la locomotiva di Guccini. E l'altra è l'ora d'aria di De André, perché quella l'ho provata. Il y en a beaucoup qu'elle aime, mais les deux, ses deux préférées, ce sont la locomotiva di Guccini et l'ora d'aria di De André. L'ora d'aria, ça parle de la prison. Du coup, elle disait, je la connais très bien et je peux apprécier encore plus les paroles. C'est quoi cette chanson? Vous pouvez me la chanter? Butta la pubblicità, stamattina. Necessaria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. E poi. Ecco, questa è la canzone, l'ho trovata. Necessaria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. C'était Génération ZAD, Notav un jour, Notav toujours, avec Maurizio, Rita, Nicoletta, Mauro, Valerio, Gilda et Marissa, Luca, Gabriel, Baba et Danilo Ghia. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Beaucoup de gens et beaucoup de jeunes n'arrivent pas à s'engager vraiment parce qu'ils ont peur de la répression. Mais de l'autre côté, je pense que le fait de voir des gens plus grands qui font ça, qui continuent à y croire depuis 30 ans, ça donne vraiment l'espoir d'y croire, de le faire, ça donne la motivation de le faire. Est-ce que c'est ça notre objectif, c'est de faire des lignes toujours plus rapides, de chercher cette vitesse? Non, c'est pas ça. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce. Réalisation Marie-Laure Ciboulet, mixage Olivier Dupré, coordination Perrine Carvan et Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire d'Alain Lefkovitch, assisté de Philippine Rouvière-Flamand pour la série documentaire. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Alors il y a une victoire de l'autre côté de la frontière à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que ça vous donne de l'espoir? Ouais. Ça, nous on est allé à la ZAD beaucoup de fois et on est content de comme les choses sont passées là-bas. Même si même là-bas il y avait des problèmes avec les gens qui ont fait des contrats pour la terre, des gens qui sont partis, bah quand même à la ZAD ils ont gagné et nous on va gagner aussi. Ça c'est clair. Bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Camille, zadiste, altermondialiste, écologiste, anarchiste ou révolutionnaire, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter en Italie, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Anaïs Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons arpenter les impasses de la migration. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.